déjà dans leur vert, à peine effeuillé par la danse des fêtes et en prière. Que ici il mange les araignées qu'à l'écras, les transparents outre-balcons, ces sorbets sans cœur, si intimes, squelettes de or indécis, tous hommes en carcasse, que les cerfs pourront quiller quelques cailloux à leur cocon, que caressent les bouchons, c'est la fichette des noisetiers. Puis, masse de mistral et romarin, nous verrons alors le mauvais amoureux d'abeilles sauvages, enfants de calice et des pistils peut-être si fils et seulement suspendus lorsque d'autres éclatent à la gourmandise des campagnols dans les clapes de gobe. Que voit-on avant de louer leur labyrinthe si argile mergulu que les courtilières sous la plaine après les collines qui ne cessent de flûter